6 minutes 19. Les enfants sont casés depuis peu. À nous, les jolis matins, thé et café au lit. Les discussions passionnées sur tes tableaux, sur mes écrits. Les soirées studieuses à écrire, lire ou visionner des documentaires, principalement sur l'art. Nous venons de finir de regarder les 50 et quelques émissions de la série Palette sur la peinture. Magnifique série au demeurant. Tu aimes peindre, j'ai toujours aimé bouger. Depuis que nous vivons ensemble, tu n'avais jamais vraiment réalisé, je ne te l'ai jamais vraiment dit, à quel point j'aime les voyages. Mariée, j'ai fait une croix dessus. Au début, nous étions trop occupés. Ensuite, nous n'avions plus les moyens. Parfois, j'avais un serrement de cœur en y pensant. Et puis, je suis passée à autre chose. D'ailleurs, j'avais déjà beaucoup reçu et je ne me sentais pas particulièrement frustrée. Pourtant, le virus était malgré tout toujours bien présent. Je m'en suis rendu compte quand tu as proposé que nous allions voir sur place, à l'occasion, les chefs-d'œuvre que nous venions d'admirer sur notre petit écran. Je me suis levée comme un seul homme, prête à partir à la découverte. Par quoi commencer? Il faut d'abord que ce soit accessible. Pour apporter notre quote-part à la conscience écologique planétaire, nous refusons de prendre l'avion. Encore plus depuis qu'il est possible de polluer pour moins de 100 francs suisses l'aller-retour. Nous prendrons donc le train. Vers quel musée? On dit que le musée Van Gogh a été rénové, qu'il vient de rouvrir. Ce sera donc Amsterdam. Top là! Je retiens, via Internet, un compartiment avec deux couchettes. Un nid d'amour roulant, quelle aubaine! Puis je nous trouve un autre nid d'amour, statique celui-là, dans l'un des plus jolis quartiers de la ville. Ne reste plus qu'à patienter, puis à faire les bagages. À la dernière minute, je flanche. Laisser mes bébés tout seuls? Et s'il nous arrivait quelque chose? Ils sont si jeunes encore à presque 18 et 20 ans. Allons, allons, un peu de courage. À leur âge, tu étais parti depuis longtemps. Tu ne vas pas te dégonfler maintenant. Dans ma tête passe en boucle cette magnifique chanson du grand Jacques Brel. Je ne sais pas à quelle heure part ce triste train pour Amsterdam, qu'un couple doit prendre ce soir, un couple dont tu es la femme. Moi, je sais à quelle heure il part ce train, je sais qu'il n'est pas triste, et je sais que je suis la femme de ce couple qui part, et que mon mari, c'est toi que j'aime depuis 20 ans bientôt. Dimanche, nous célébrons nos 18 ans de mariage. Lundi soir, nous partons pour ce nouveau voyage de noces. La température est douce lundi en gare de Bâle. Prudence oblige, j'ai pris une marge d'une heure avant notre départ. Le train qui précède le nôtre est encore à quai. Il va partir pour Prague. Prague, je rêve. Quels sont les musées intéressants à Prague? Enfin, notre train arrive et la couchette est là. Drap blanc, couette immaculée, oreiller moelleux, cabinet de toilette avec ses gobelets d'eau potable pour se rincer la bouche. J'inspecte tout comme une gamine à la découverte de sa maison de poupée. Tu prendras la couchette du bas. Je t'ai raconté longuement mes souvenirs de jeunesse. Parler de ces trains que j'ai pris quand je jouais à la Madone des Sleeping. J'ai évoqué les arrêts dans les gares au milieu de la nuit, les pchit déchets de vapeur mystérieusement soufflés de dessous les wagons, les pas rapides des mécanos sur le quai, la magie des lumières jaunes et tamisées, le bruit sourd des annonces en langage exotique. Je t'ai parlé de tout cela et de bien plus encore, et tu as eu envie d'en goûter le plaisir. Au petit matin, sans avoir trop dormi, je me réveille en forme. Magie des voyages. On nous apporte un copieux petit déjeuner que nous savourons tout en traversant la Hollande. Notre logis est proche de la gare. Ce matin, nous nous contenterons d'y poser nos affaires, puis nous irons flâner dans un marché aux puces que nous avons repéré sur la carte à quelques kilomètres de là. Il pleut des chats et des chiens, comme disent les Anglais. Mais nous ne craignons rien, nous avons nos pèlerines. Celles-là même qui nous font ressembler à deux pingouins colorés, mais qui ont l'énorme avantage de pouvoir se porter par-dessus un sac à dos. Oh, regarde, il y a même des baraques à frites, comme en Belgique où j'ai passé une partie de mon enfance. Quelle merveille! En fait, les frites ne sont pas si bonnes malgré la louche de mayonnaise qui déborde du cornet en papier. Tant pis, j'ai trop faim, je dévore. Après ce repas nostalgie, nous nous nettoyons les doigts tant bien que mal, puis tu poses les tiens sur la sarbacane de tes rêves que tu viens de découvrir une tente plus loin, et avec laquelle nous repartirons. Moi, ce sont des chaussettes que je vais m'offrir. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse si froid aujourd'hui. Puis il est temps de rejoindre notre gîte afin de prendre possession des lieux. Nous finissons notre parcours, passons dessus un petit pont, et de l'autre côté, sommes accostés par deux charmantes damoiselles caméra au point. Elles nous expliquent, dans un anglais fort correct, que notre accoutrement les a fascinées. Qu'elles sont étudiantes à la Film Academy d'Amsterdam et que leur devoir d'aujourd'hui consiste à interroger un couple. Chaque époux séparément sur l'histoire de sa rencontre. Comment refuser ? Nous nous réfugions au sec dans un pub de l'autre côté de la rue. Très vite, nous le transformons en confessionnal, intime et familier à travers l'évocation des circonstances quasi miraculeuses de notre rencontre. Oui, nous étions des miraculés, des survivants, et nous avions l'avantage d'en être conscients. Nous avons savouré chaque minute, chaque seconde de cette nouvelle vie inespérée, et aujourd'hui nous dressons joyeusement un bilan positif. 18 années passées à élever nos enfants pendant lesquelles nous avons appris à vivre heureux et affermi l'équilibre de notre couple. Désormais, nous envisageons sereinement un avenir studieux et créatif tout en nous préparant à suivre un jour lointain la Camarde en son paradis. Avant de les quitter, nous remercions chaleureusement nos nouvelles amies de nous avoir permis de revivre à voix haute le chemin parcouru. Nous sommes rentrés chez nous samedi matin. Nous avons reçu via Internet le film découpé, monté, terminé, samedi après-midi. Un cadeau magnifique, tout en teintes pastel, finement ciselé, délicatement ourlé. Pas une minute de trop parmi les 6 minutes 19 d'émotion. Deux amoureux qui se racontent, se redécouvrent puis s'éloignent sous la pluie, lumineux, main dans la main, vers de nouvelles aventures. Ce texte audio vous a été lu par l'auteur pour audiocité.net sous licence paternité, partage à l'identique, pas de commercialisation. Merci de l'avoir écouté.